plus à la maison, t'es en bas des blocs. Tu suis la rue, je suis les études. Tu as peur pour moi, j'ai peur pour toi. On a nos problèmes, on a nos inquiétudes. Et plus je grandis, plus tu te méfies. Quand je sors entre filles, tu me dis rentre vite. Et t'as peur que je fréquente les hommes. Alors tu m'emprisonnes, mais tu n'as pas raison. J'ai trop de principes, arrête de stresser. Chercher mon prince, je suis pas pressée. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour derrière ta méchanceté. Au fond, tu me protèges, t'es mon bouclier. L'avenir à l'horizon, j'avancerai tête baissée. S'il y a des hommes, c'est une forme de respect. J'suis pas une tigresse, j'suis juste une lionne. J'suis pas une tigresse, j'suis juste une lionne. J'suis pas une tigresse, j'suis juste une lionne. J'suis pas une tigresse, ouais, j'suis juste une lionne. Ah, ouais, j'suis juste une lionne. Elle grandira, elle comprendra, elle va m'aimer, va béné. La confiance n'est pas morte, elle n'est jamais née. Touche là, je vais rougir le sol comme le Mali demande à Kara. Ça pourra jamais m'aller si la petite sœur fait la mala. Si le bruit qui court est faux, si la rumeur dit vrai. Ou j'oublie tes défauts, ou je te raye du livret. Rends-nous fiers, petite fille, tout ce que tu fais nous touche. Tout ce que tu vois, tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche. Crime passionné, vise pas ma jolie. Je nous aimerais, je nous aime comme ça. Quand on s'embrouille pas assez, ça se ramollit. À la vie, à la mort, à la folie. Crime passionnel, vise pas ma jolie. Je nous aimerais, je nous aime comme ça. Quand on s'embrouille pas assez, ça se ramollit. À la vie, à la mort, à j'suis la folie. J'suis pas une tigresse, j'suis juste une lionne. J'suis pas une tigresse, j'suis juste une lionne. J'suis pas une tigresse, j'suis juste une lionne. J'suis pas une tigresse, ouais, j'suis juste une lionne. Ah, ouais, j'suis juste une lionne. C'est normal, t'en fais pas, ça ira. Ça ira, ça ira. Fais-moi confiance, j'allierai pas ton honneur. T'es la chair de ma chair. Et j'effacerai toutes tes peurs. La chair de ma chair.